Dans ce temps-là, dans l'ombre des grandes entrevues de Régis Labeaume, ben David Lemelin et Démocratie Québec nous promettent de hausser le budget du RTC de 5% s'ils sont élus. Il est pas là, lui. Il est là. En fait, on sait très bien à qui il s'adresse. Là, ce qu'il fait, là, David Lemelin, là, c'est qu'il est en train d'essayer de s'assurer de l'élection des trois conseillers de Démocratie Québec. Qui ont des chances au centre de Québec. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire, là. Anne Guérette. Yvon Bussière et Paul Chouari dans Sillery. Ouais. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire, là, parce que quand tu dis que tu vas augmenter le budget du RTC de 5%, puis que ça prend des voix réservées sur Henri IV et sur Laurentienne. Une voix réservée sur Laurentienne. Ben oui. Pourquoi pas? Et tant qu'à y être. Hein? Ben oui. Tant qu'à écœurer les automobilistes. Venez en faire une chez nous dans le chemin de terre, ouais. Là. Une voix réservée pour les autobus. Ça, quand tu y vas avec des déclarations aussi claires que ça, comme ça a été le cas hier avec Démocratie Québec, c'est que t'as baissé les bras sur la mairie. Je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment d'espoir. On s'entend là-dessus. Mais tu sembles aussi avoir baissé les bras sur l'élection de d'autres candidats ailleurs. Dans les maudites banlieues, comme disait notre ami Jean-Paul Lallier. Fait que ta stratégie, ouais. C'est de dire, on va mettre tout notre argent et tous nos pions et tous nos jetons sur les trois endroits où on a le plus de chance. Présentement, là, ils sont en train de mettre 100% de leur énergie dans les trois districts où ils ont des chances de faire élire des conseillers. Ils vont-tu faire 3-3, d'après toi? J'ai le feeling que ça oui, se moi. Ça se peut faire, ça se peut. Plus je regarde ça aller, j'ai cru à un moment donné, avant que la campagne commence, qu'on allait peut-être avoir un... Rodemarie, Labeaume, là, un conseil de ville 100% équipe Labeaume. Mais je pense que l'expérience politique de ces trois candidats-là de Démocratie Québec... Ça peut faire une grosse différence. Va faire la différence. Ils connaissent bien, tu sais, sur le contenu, je suis pas d'accord avec eux autres. Mais pour jouer la game politique, porte à porte, les débats, les entrevues, ils sont meilleurs que leurs adversaires d'équipe Labeaume. Oh, ils oui. sont un peu des recrues de la politique. J'ai rien contre eux autres, c'est des gens... C'est des bons, tu sais, Fred Poitras puis Chamberlain là dans Saint-Sacrement, j'ai rien contre eux autres là, c'est des gens d'affaires, c'est des gens dynamiques je pense, mais pour jouer la game politique, ça prend aussi autre chose. Malheureusement, tu vas peut-être me dire, mais il faut que tu saches jouer la game plate de la politique, ben, c'est du souper spaghetti puis du porte-à-porte. Tu t'en vas là-dedans, tu sais, ça fait partie de la job. C'est peut-être pas le bout le plus intéressant, le plus sexy, même pour nous autres, mais c'est ça la game politique. C'est des politiciens professionnels, tu sais, Bussière, Guérette et compagnie, là, c'est rendu c'est des pros de la politique, qu'on soit d'accord ou pas. C'est des politiciens de carrière maintenant, des politiciens professionnels. Puis ça devient difficile pour des recrues de les déconfronter. Puis un gars comme Bussière, ça fait partie des meubles. Chouari aussi, c'est des noms que les gens connaissent dans le secteur. Ouais. Du jour au lendemain, Régis Labeaume est-tu assez big, juste avec son nom, pour faire élire des jeunes recrues que pas grand monde connaisse? C'est ça, là, la question. C'est ça. Tu viens-tu au débat avec moi lundi? Oui. Je t'ai réservé une place. Oui, là, oui, en oui. Passant, hey, là, merci. On va aller faire un tour au débat... lundi au Capitole entre Régis Labeaume et David Lemelin. À date, c'est le seul débat qui est prévu entre les deux candidats à la mairie de Québec. 6h19, courte pause.